Rah. Parler pareil par nécessité, tu reconnais les vrais. Pas le droit des 1, reste les mains, elles commencent par t'en mettre 2, 1, 2. Tous les rageux veulent me calmer, moi je suis parti pour leur faire mal. Où sont passées nos belles années, où tous les gros faisaient du sale. Les cicatrices bien entaillées, on a le mental trop imparable. La jalousie, la rage, elle pompe, forme un trio inséparable. Compère, tu verrais bien de terre, ouais tu n'y connais rien. Compare, pas un sale fils de bourge, un de mes galériens. Commère, un seul rideau qui nous sépare, ma plume répare. Mais seules certaines blessures profondes sont devenues irréparables. Ça craint, nos vies dérapent, le crâne zigzag. Ma gueule ça tourne pas rond, reste carré, parce qu'il est plus, ça t'évitera le ballon. Un poste bien fait des gros sous, on t'appellera patron. Un autre principe, respecte les tiens et tu auras le bras long. Gros marche avec les vrais, t'en sortiras géant. Serre bien les dents, monte-moi ta garde, la concurrence tu la feras à ses dents. Avec le temps, tous ces jaloux te soutiendront. T'étais un dieu, un teuf, ça seul les vrais s'en souviendront. Je suis ce gars du Tchex, pas le des 1. Teste les miens, elles commenceront pas t'en mettre 2, 3, 4 pour mon Tchex. Sont pas de champ, pas de champ. Sont mes 5 doigts, poteau, on est restés les mêmes. Faire les bails par nécessité, tu reconnais les vrais. Les gars dans l'ombre, viens représenter. Punchant. Envoie ta prod, moi je vais la kicker. Mon macadam souillé, fond de nos vocards des boomkers. Ma vérité reste censurée, pourtant mes phrases frappent au cœur. Frère, tu vis trop dans ton passé, n'en retiens que rancœur. Ennemi la guerre est déclarée pour nous la street du parkour. Habitué, persécuté, ouais, par cette réalité. Souffle coupé, on crache trop de sang, l'arrêt cardiaque assuré. On l'a formé, ta relève, elle va être lourde à assumer. Protège tes côtes, porte tes couilles, les coups faudra en encaisser. On vend les mêmes barres depuis môme, choisis le danger pour descendre. Fumer du seum calme les nerfs, et ne vaut pas prier à se rendre. On se retrouve seul face au sol, rien que dans le calvaire, on s'isole. Recherche et chef. Pourront-elles racheter nos fautes? Passer ma jeunesse sur les bancs, toujours opé pour les gros plans. Forgé dans la zermie de la zone, tous ces narcotrafiquants. On a le train de vie chaotique, normal que les straps soient à cran. Opportunité désertique, défonce les portes, casse les dents. Je suis ce gars du Tchex, pas le droit des 1. Teste les miens, elles commenceront pas t'en mettre 2, 3, 4 pour mon Tchex. Sont pas de champ, pas de champ. Sont mes 5 doigts, poteau, on est restés les mêmes. Faire les bails par nécessité, tu reconnais les vrais. Les gars dans l'ombre, viens représenter. Pas de champ, pas de champ. Envoie ta prod, moi je vais la kicker. L'appétit, c'est un type qui vit et il se dit ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. La casse dédiée pour les vrais, la casse des par un défaut. As-tu une idée de l'effet que ça vaut de se faire trahir par un gros? On prend des cons, on se relève, vengeance calée au frigo. Pour nous les nerfs dès le réveil, c'est comme la course aux euros. Fuck le pays des merveilles, souvent le moral à zéro. Combien pas manque d'opportunités, place leur confiance dans l'héros. Ma liberté manque de saveur, comme une net 4 sombrero. Y'a pas grand chose à espérer, mec, pour l'instant je fais ce qu'il faut. Sans parage, je vois étonné en vieux si je prends le niveau. C'est du tiex son champagne, mon sauce pas le rap de Calimero. Prochaine tuerie programmée, chasse adversaire en impro. Ferme la ta gueule si t'agis pas, tu te feras ta clé dans l'intro. Place ta confiance quand des gars sûrs, ça t'évitera le mandat des pauvres. FF ennemi est partout pour les BNS des rivaux. Si les coups durs t'asperges d'essence, combien sortiront le zippo? Quand ça va bien, tout le monde est là. Une fois la haine, personne ne remplit le congélant. Je suis ce gars du Tchex, pas le droit des 1. Teste les miens, elles commenceront pas t'en mettre 2, 3, 4 pour mon Tchex. Sont pas de champ, pas de champ. Sont mes 5 doigts, poteau, on est restés les mêmes. Faire les bails par nécessité, tu reconnais les vrais. Les gars dans l'ombre, viens représenter. Pas de champ, pas de champ.